selon la disposition suivante, doit porter pendant l'exercice de son activité un gilet aux couleurs fluorescentes déterminé par les services compétents du ministère en charge du transport. Merci Oban Nyongoro. Une nouvelle de Provence et quelques nouvelles brèves en actualité internationale. La route nationale qui relie les provinces Karoussi et Muyinga est menacée par les travaux des gens qui vendent du moelleau et une installation d'une usine de dépulpage du café. Ces travaux sont principalement localisés au niveau de la commune Chombo de la province Karoussi et ce constat est confirmé par les responsables de l'administration et de la police. Et les travaux de construction de cette usine ont été suspendus par le gouverneur de cette province de Karoussi depuis ce mercredi. Blaise Pascal Karalmeye. Au niveau de la colline Kivoga de la commune Chombo dans la province de Karoussi, la route nationale numéro 12 reliant les provinces de Gitega, Karoussi et Muyinga pourrait être menacée de destruction par des travaux de construction d'une usine et station de dépulpage du café, comme l'indiquent les habitants sur place. Cela est confirmé par le responsable de la police dans la province de Karoussi, qui, avec le gouverneur de la province, ont été sur place ce mercredi. Le commissaire provincial de la police indique que le gouverneur a par suite pris la décision de suspendre provisoirement les travaux d'installation de cette usine. Il explique que cette décision intervient après avoir remarqué que les travaux d'installation du chantier de cette usine pourraient réellement menacer cette route. Aussi, le coordinateur de la police et de la protection civile dans la province confirme que les travaux des gens qui vendent les moyens de construction menacent les bords de cette route au niveau de la partie de cette commune de Chombo et une partie de la commune de Bouhiga. Au PC de Nzeimana Sylvestre affirme mais qui a déjà soumis cette question aux responsables de la province et ceux des communes concernées pour arrêter les travaux d'exploitation des moellons le long de cette route. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez à Abuja ou à Kinshasa, au Nigeria. 1800 civils ont été libérés du groupe Boko Haram dans le nord-est du pays ce mercredi selon la déclaration d'un haut responsable militaire. En RDC, la police a indiqué ce mercredi que les violences de ces quatre derniers jours avaient fait 31 morts sur l'ensemble du territoire. Toujours en RDC, les évêques de l'Église catholique lancent un ultimatum à la classe politique pour un accord de sortie de crise avant Noël. Christella Nezikama. En République démocratique du Congo, la police congolaise a indiqué ce mercredi que les violences de ces quatre derniers jours avaient fait 31 morts sur l'ensemble du territoire. Plus de 270 inciviques auraient par ailleurs été interpellés. Entre l'Organisation des Nations Unies et les officiels congolais, la guerre des chiffres macabres est déclarée. Des bilans alarmants contradictoires entre ces deux groupes. Comme nous le lisons sur le site du journal Jeune Afrique, le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme a légèrement revu à la baisse son bilan, indiquant qu'il a pu documenter au moins 19 cas confirmés de mort par balle dans la ville de Kinshasa. Toujours en République démocratique du Congo, c'est dans un contexte tendu que les discussions ont repris sous l'égide de l'Église catholique entre majorité et opposition à Kinshasa. Selon la Radio France Internationale, l'objectif des évêques congolais est donc de sortir de l'impasse et d'éviter de nouvelles violences. Les négociations ont commencé ce mercredi après-midi avec un ultimatum lancé par les évêques pour sortir de crise avant Noël. Et au Nigeria, un haut responsable militaire a annoncé ce mercredi le succès de plusieurs opérations menées dans la forêt de Sambisa, bastion du groupe islamique dans le nord-est du pays. Lors de nos opérations sur la période du 14 au 21 décembre 2016, un total de 1880 civils ont été sauvés dans les enclaves de Boko Haram, a déclaré le général Léon Irabor dans un communiqué publié après une conférence de presse dans la capitale de Borno. Toujours au Nigeria, les douaniers nigériens ont saisi 2,5 tonnes de riz en plastique. À première vue, rien n'indique qu'il s'agit du riz en plastique, tellement la texture et les formes font penser à du vrai riz. Quand on touche le riz, rien d'anormal ne se remarque. Mais à l'approche du nez, une odeur de produits chimiques s'en dégage. Ils ont envoyé un échantillon au laboratoire pour en déterminer la composition. Merci Christella Nizigama, il est 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi.